un article absolument éclairant et lucide sur la question, publié sur le site internet Atlantico. En ligne, il est professeur de relations internationales à l'Université de Metz, Alexandre Delval. Monsieur Delval, bon matin. Bon matin. Oh, vous êtes en train, la ligne n'est pas très bonne. Et vous êtes en train dans quel coin? On était au courant. Vous entendez bien? Oui, là, je vous entends mieux. Vous êtes en quel secteur en Europe? Eh bien, en fait, je suis dans un train. J'espère que la ligne sera pas trop mauvaise. C'est pas, on vous entend passablement bien. Expliquez-moi le parallèle que vous faites entre Mohamed Merah et les terroristes de Boston. Eh bien, en fait, dans les deux cas, on nous dit que c'est pas très grave parce que ce serait des rebelles, des paumés, des gens qui ne sont pas vraiment des professionnels du terrorisme. Et dans les deux cas, même si effectivement ce ne sont pas des professionnels du terrorisme de première génération, effectivement ce sont des apprentis terroristes de seconde génération. Mais c'est encore plus inquiétant, et ça frappe aussi bien le nord de l'Amérique que la France, c'est-à-dire que après une trentaine ou une quarantaine d'années d'immigration islamique, on récolte le fruit d'une mauvaise intégration d'une partie de la population. Et certes, très peu sont des terroristes, mais en fait, ce n'est que la face immergée de l'iceberg de ce que j'appelle l'auto-désintégration. Dans les deux cas, on a des gens qui auraient pu s'intégrer, mais qui ont été frappés, qui ont été séduits par toute une mode de rejet de l'Occident, de rejet des sociétés d'accueil et une fascination pour un islam de plus en plus. C'est un échec de l'intégration. C'est pour ça que j'ai parlé dans les deux cas de terrorisme de seconde génération, au deux sens du terme, de seconde génération de terrorisme apprenti, mais en même temps seconde génération d'immigration, qui est encore moins bien intégrée que la première génération. Ça n'en dit beaucoup, monsieur. Les problèmes sont identiques des deux côtés de l'Atlantique. Ça n'en dit beaucoup sur nos sociétés, sur notre incapacité à intégrer correctement les musulmans. Vous avez tout à fait raison. Oui. Je souscris à ce que vous dites totalement. Une responsabilité, bien sûr, vient de l'islamisme arrogant, mais une autre responsabilité, certes moins directe, vient des sociétés judéo-chrétiennes occidentales culpabilisées, affaiblies psychologiquement, qui ne savent plus transmettre l'amour d'elles-mêmes. Et c'est ce que je crois être l'origine de la non-intégration. Une partie de la responsabilité, c'est les responsables communautaires musulmans qui n'incitent pas à l'intégration, les frères musulmans et compagnie. Mais l'autre partie de la responsabilité, c'est le refus de nos dirigeants de croire en leur destin et de transmettre l'amour du pays. Je pense que la meilleure façon d'intégrer, c'est le patriotisme. Or aujourd'hui, le patriotisme est quelque chose de honteux, il est considéré comme d'extrême droite, comme fasciste, comme nationaliste. Et c'est la pire erreur que de croire que l'on peut intégrer sans patriotisme. On ne peut pas intégrer qui que ce soit si on ne lui transmet pas l'amour de notre propre pays. Très bon. Et on est facilement culpabilisable à chaque fois qu'on veut souligner l'importance du cancer islamiste. Et je fais une démarcation aussi. Islamiste, donc l'islam radical, très rapidement, les lobbies islamistes vont tenter de nous culpabiliser en appelant au racisme, en disant qu'on fait preuve de discrimination et patati patata, et rapidement on va prendre notre trou, comme on dit au Québec, la queue entre les deux jambes, on va se culpabiliser et on va revenir à notre vision victimaire. Oh, dans le fond, ce sont des victimes de nous, ce sont des victimes parce qu'ils étaient isolés, ce sont des victimes des banlieues, ce sont des victimes du chômage et patati et patata. En fait, ce qui est totalement aberrant, parce que s'il y a bien une idéologie qui est foncièrement raciste envers le non-musulman, envers la femme, envers le juif, envers le chrétien, envers le païen, le mécréant, c'est bien justement le radicalisme islamiste. Il n'y a pas plus raciste au sens politiquement correct du terme. Oui, oui, allô, monsieur de Belval. Monsieur Delval, vous étiez sur une bonne lancée. On vient de le perdre, on va essayer de le retracer. OK, monsieur de Belval, monsieur Delval, ouais. Pardon, vous êtes là? Oui, absolument. Vous parlez de la deuxième leçon, notre incompétence, l'incompétence des autorités et notre refus de désigner la menace. Expliquez. Eh bien oui, parce que dès lors qu'on est dans l'idéologie politiquement correct et dans la culpabilisation. Et dès lors qu'on a peur de parler d'islam, d'exercer sa raison sur cette religion qui serait en quelque sorte exemptée de cette critique, on ne peut pas désigner la menace. Regardez Obama, il a pu désigner la menace nationale avant même d'avoir aucune preuve. Par contre, il a pris beaucoup de précautions avant de parler de menace islamique. D'ailleurs, il ne l'a pas fait. Jamais. Je rappelle Clinton ou Bush qui parlaient de global terreur et qui n'osaient jamais parler de terrorisme islamiste. Ce terrorisme, il ne surgit pas de nulle part. Dès lors qu'on ne peut pas désigner la nature idéologique et civilisationnelle de la menace par peur du politiquement correct, on ne peut pas combattre quoi que ce soit sans tout d'abord le définir. Pourquoi on refuse de le définir, M. Delval ? Nos sociétés qui sont ouvertes à une immigration incontrôlée et non sélective ne peuvent absolument pas juguler le terrorisme islamique qui se nourrit des flux migratoires. Donc pour des raisons idéologiques, mais aussi structurelles, aujourd'hui l'Occident ouvert à y compris à ses ennemis, est absolument structurellement, idéologiquement et psychologiquement dans l'incapacité de réellement contrer cette menace qui le ronge de l'intérieur. Comment casser le pattern? Comment, pardon? Comment casser le pattern, ce pattern de culpabilisation, de rectitude politique? Ici, on a eu ça également là avec l'arrestation de deux présumés membres d'Al-Qaïda. On tombe dans une généralisation en parlant d'individus qui étaient isolés, mal intégrés. C'est peut-être de notre faute et patati et patata. On se culpabilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment casser le pattern? Je pense que de même que pour la thérapie individuelle, les meilleures solutions, comme vous le savez depuis très longtemps, ne sont plus freudiennes, mais le comportementalisme et les thérapies cognitives comportementalistes. Il faut faire la même chose pour les groupes. De même que les psychologies freudiennes ne sont pas valables pour les individus, elles sont inopérantes pour les groupes. Pour les groupes, il faut faire comme les nouvelles thérapies face aux gens qui sont déprimés. Il faut leur réapprendre par des mantras, des espèces de d'auto-programmation positive. Il faut réapprendre à s'aimer. Il faut que l'Occident réapprenne à avoir confiance en lui et à intégrer le fait qu'il n'est pas si mauvais que ça. C'est pour ça que je prépare bientôt un livre qui s'appellera L'Occident sans complexe. Il faut décomplexer l'Occident. Oh. Tant que l'Occident se détestera, se flagellera, s'auto-flagellera, et il sera dans une situation capitulaire de zénitude et il tombera dans l'abîme et un jour même dans l'autodissolution. Donc il faut une thérapie de l'amour de soi pour combattre la haine de soi. Je ne vois qu'une solution qui est dans notre religion chrétienne d'ailleurs, l'amour de soi. Parce que beaucoup de chrétiens culpabilisés ont oublié qu'avant d'aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Et il faut aimer l'autre comme soi-même. Donc avant d'aimer l'autre, y compris l'ennemi ou celui qui est très différent, il faut déjà s'aimer soi-même. On ne peut pas aimer l'autre sans s'aimer soi-même. Et on ne peut pas intégrer l'autre sans soi-même respecter ses propres valeurs. Car à quoi bon s'intégrer à une société qui elle-même se déteste et fait une mauvaise publicité d'elle-même? Oh, c'est bon. J'adore ça. Comment se comportent les politiciens français? Est-ce qu'ils tombent dans le même piège de la rectitude où il y en a certains qui se démarquent et qui prônent une certaine fierté, une certaine assurance? Peut-être nous décrire un peu le paysage politique en France. Ouais, les politiques français, comment se comportent-ils? Les politiciens français, les politicos. Je pense qu'il est dans une mauvaise zone. Bon, on va le rappeler la semaine prochaine. Au revoir. Voilà, regarde, la semaine prochaine. C'est intéressant. Le dernier coup, quand même. C'est ça qui est plate. Il y a de la matière. On va le rappeler. Il est en train. On va le rappeler la semaine prochaine. Ouais. Quand il va être dans son bureau là, à l'université de Metz en France, c'est intéressant, anti-péché. Là. Cet aspect-là là, de l'amour de soi, c'est vrai que c'est fondamental.